La tasse pleine. Un jour, quelqu'un demanda au maître ce qu'était le chemin de la vérité. Mais au lieu d'écouter les conseils du maître, le visiteur était tout le temps en train de raconter ses soucis et ses difficultés. Puis, ce fut l'heure de boire une tasse de thé, et le maître commença à verser le thé. Il remplit la tasse du visiteur à ras-bord, et si le visiteur ne l'avait pas arrêté, il aurait continué à verser du thé. « Maître, qu'est-ce que vous faites ?» demanda le visiteur étonné. « Ne voyez-vous pas que la tasse est déjà toute remplie ?»« Oui, elle est remplie, » dit le maître. « Et toi aussi, tu es rempli jusqu'au bord avec tes propres pensées et imaginations. Comment puis-je te donner de la sagesse si tu ne me donnes pas une tasse vide ?»